Deuxième partie, chapitre premier. Le dîner finissait, un dîner intime, dans un restaurant gothique à la mode archéologique du jour, avec des vitraux sertis de plomb aux fenêtres, des chaises de vieux cuir et des fourchettes de forme ancienne. Le menu traînait sur la nappe, enluminé comme un missel, les plats du jour ornés de majuscules peintes en vermillon ombré d'or. Il lui fallut, dans les flambeaux aux lustres qui pendaient du plafond traversés de poutrelles de chêne, des cierges de cire jaune pour donner à ce cabaret de haute-vie un aspect complet de vieille abbaye. Le feu flambait dans la cheminée, vaste comme celle d'un château, et au hublot de couleur, la neige du dehors collait ses guipures blanches qui se fondaient sur la vitre chaude. À la clarté gaie des bougies, Louis Ribert, amené là par Guillemard, dans ce dîner de financiers, regardez Alice Hervier, la maîtresse de Rodillon, placée entre Émile et le gros Molina, et jolie, extraordinairement jolie, rousse, gaie, souriante, sa peau blanche éclatant de splendeur sous la lumière, le buste plein, le cou élégant cravaté d'un collier de diamants qui valait une fortune. Grande, plus grande que Raymonde, mais ressemblant en effet un peu beaucoup à Cousinette. C'était un dîner d'affaires, mais lorsqu'il s'agissait pour Rodillon de quelque chose de sérieux, Alice Hervier était toujours là. Le petit Rodillon avait en elle une confiance absolue. La belle fille était l'amie des mauvais jours, devenue l'associée des jours de splendeur. Avant d'égratigner du bout de ses cuillères gothiques, entre Guillemard et Molina, qui représentaient bien une cinquantaine de millions à eux deux, des parfaits glacés, Alice et Rodillon avaient mangé ensemble de la vache enragée. La maîtresse du financier, qu'on saluait maintenant très bas et de très loin, se rappelait encore avec des frissons le soir où Rodillon, affreusement pâle, était venu lui dire « Il y a contre moi un mandat damné. Je viens t'embrasser, ma pauvre chérie. Voici mes derniers 500 francs. Tu en feras ce que tu voudras. » Il n'y avait pas 5 ans de cela. Rodillon s'était alors fourré dans elle ne savait quelle méchante affaire, des bêtises. Et le cœur lui saignait à cette idée qu'on allait arrêter cet homme, qu'il avait prise dans un magasin de mode, en avait fait une dame et qu'elle adorait. Chose singulière, quoiqu'il ne fût ni beau ni spirituel, petit, noireau, irritable, mais qu'elle aimait peut-être parce qu'il lui avait ouvert ce monde nouveau, les restaurants, les premières, les courses, ceux qui la tentaient et la faisaient rêver, chez sa patronne lorsqu'elle couchait comme un chien de garde sur un matelas jeté au fond de l'arrière-boutique. Eh oui, Rodillon lui plaisait simplement peut-être parce qu'elle était belle et qu'il était laid. Et puis, elle avait 18 ans, elle éprouvait à s'arracher à la vie attristée de l'ouvrière, des gaietés de chevreaux échappés. Tout son être frais, sain, épanoui, aspirait à des voluptés et à des joies. Sans parents maintenant, ceux qui, de Normandie, l'avaient envoyé à Paris chez un oncle, étaient morts l'un après l'autre, la belle-fille se sentait libre, et avec Rodillon se croyait riche. Il avait fondé une banque quelconque, véreuse et menacée. Un commissaire de police entra un matin chez lui et demanda à voir ses livres. Rodillon, s'il eût eu quelque argent alors, eût pris la fuite, emmenant Alice Hervier. À cette époque-là, elle l'eût suivi partout, au bout du monde, au fond d'une mine. Mais sans le sou, Rodillon ne pouvait, à l'étranger, rien trouver que la misère noire. Le mieux était encore de se laisser arrêter au besoin et de subir sa peine. Après tout, Mazas était encore Paris, et à Paris seulement, on pouvait vivre, vaincre. Les vrais placés sont sous l'asphalte du boulevard. La prison, pourtant, c'était dur. Rodillon, fort peu héroïque cependant, songea un moment à se suicider. Il eut cette atroce pensée de proposer à Alice d'allumer un réchaud et d'en finir. « Je veux bien, » dit-elle. Elle s'enferma avec lui, alluma le charbon, et ils se couchèrent. Au bout d'un moment, il dit, très pâle, « Est-ce que tu souffres ?»« Non, » fit-elle, « je suis très bien. » Rodillon sentait comme une courroie qui lui serrait le crâne. Il eut peur, se leva brusquement, courut à la fenêtre et l'ouvrit toute grande. Alice Hervier, assise sur le lit, ses beaux cheveux d'or dépeignés, le regardait, disant d'une voix faible, « Tu es bête, c'était pourtant bien bon d'en finir. » Quand elle songeait à cela, aujourd'hui, Alice disait, « Si un reporter racontait ça dans un journal, je l'écrirais. Vous en avez menti, ce n'est pas moi. » Et en effet, ce n'était pas elle. C'était la jeune fille qui reste encore parfois sous la fille, morte depuis cette jeune fille-là. Ah, grande bête, bah! Elle se rappelait encore bien d'autres bêtises de ce temps-là. un dîner aux Champs-Élysées, très triste, avant l'arrestation de Rodion. Le gros Molina était venu à passer. Il avait vu Rodion, s'était approché. « Eh bien, mon pauvre vieux, mauvaise affaire, et... » Puis, brusquement, avec son accent marseillais, « Bah, vous en aurez pour 3 ans, et quand vous sortirez, on croira que vous avez fait un voyage. Tout le monde vous donnera la main, allez. Si l'on se mettait à être dégoûté à présent, qu'est-ce qu'on deviendrait ?» Il s'était alors tourné vers Alice, très pâle, sous ses cheveux roux, et lui avait dit « Si vous m'autorisez à tenir compagnie à madame pendant votre villégiature... » Elle tenait à la main son couteau. Elle avait envie de le lui planter dans la figure. Elle se contenta de répondre « Gros imbécile !» Et comme il avait ri, Molina le tombeur, elle l'entendait rire encore. L'imbécile, c'était elle. Elle s'en rendait compte maintenant. Oui, imbécile. Avait-elle assez pleuré le soir de l'arrestation de Rodion? On était venu le prendre à 6 heures chez lui. Il l'avait embrassé au front. Il lui avait dit « Aime-moi toujours !» Et alors, se voyant seule, toute seule, comme abandonnée dans cet appartement où ils étaient deux, elle avait ouvert la fenêtre et crié à ces gens en redingote qui faisaient monter Célestin Rodion dans un fiacre. « Et moi, emmenez-moi, je ne veux pas le quitter. » Puis elle avait, avant de rentrer chez elle, cherché un souvenir de Célestin, un porte-carte où il souriait avec sa figure d'huissier narquois, et pour garder quelque chose de lui qui fût encore lui, elle avait pris dans le cabinet de toilette de Rodion la brosse à tête, et après les avoir embrassés, glissé les cheveux qui restaient là, au crin, dans un médaillon où elle gardait aussi les cheveux de sa mère. Elle rougissait aujourd'hui quand elle pensait qu'elle avait fait cela. D'ailleurs, comme il y avait une première au vaudeville ce soir-là, et que Rodion avait acheté d'avance 2 fauteuils à l'agence, elle alla au vaudeville, les yeux encore gonflés, et pendant la pièce, elle s'appuyait au bras du fauteuil vide comme s'il eût été là, et elle touchait, de temps à autre, les cheveux de Célestin dans le médaillon. La pièce, au surplus, l'amusa, et les toilettes de Mademoiselle Pierson l'intéressèrent. Rodion lui en eût donné d'aussi belles si la chance l'eût favorisée. On la lorgnait beaucoup. On savait que Rodion était arrêté, tout se sait, à Paris. On l'avait vu plus d'une fois avec Rodion. Elle devint, dès ce soir-là, un personnage. Au bout de 3 ans, Salomon Molina avait à peu près deviné juste, quand Célestin sortit de sa villégiature, Alice Hervier l'avait parfaitement oublié, et depuis longtemps avait jeté les cheveux au feu un jour d'hiver. Elle avait voyagé, revenait du Brésil, rapportant des diamants que les chroniqueurs bientôt allaient rendre célèbres, et pouffa de rire en retrouvant au cirque un samedi Rodion qui faisait sa rentrée. « Vous allez bien, chère ?» Et adorable dans sa robe blanche, elle lui tendait sa main gantée. Lui la regardait, stupéfait, un peu ému, et il voulut la tutoyer. « Pas de familiarité, » dit-elle. « Nous n'avons pas gardé Mazas ensemble. » Rodion, qui n'était point naïf, eut pourtant la naïveté de lui dire qu'elle était devenue une autre femme. « Cette bêtise, » dit Alice. « Comptez donc combien il y a de jours en 3 ans et 8 mois. On change en 3 ans. » D'ailleurs, toujours bons amis, hein ? Elle ne savait même plus si elle l'avait aimé. Cette même femme, qui acceptait de mourir pour ne pas survivre au déshonneur d'un boursier compromis, avait, disait-on, au Brésil, emporté dans une cassette les plus grosses pierres d'une mine de diamants que possédait l'espèce de fauve avec lequel, là-bas, elle avait consenti à vivre. Et la tenant dans ses bras, cette cassette qui valait 1 million, l'éternel million, elle s'était jetée à bord d'un navire, le Brésilien s'embarquant sur les mêmes planches pour la rejoindre et la tuer. Alors elle s'était donné, la belle fille, un matelot qui, farouche, la cachait à fond de cale, la rejoignait pour lui apporter sa nourriture ou lui réclamer des baisers, et pendant la traversée, elle restait comme accroupie dans l'ombre, condamnée à ses infâmes amours, et pouvant entendre presque les pas de ce Brésilien qui, s'il eût soupçonné que sa voleuse était là, l'eût étranglée de ses mains. Une fois au port, le matelot la débarqua, et respirant alors, elle fut libre. Libre, redressant son corps ankylosé à fond de cale, humant l'air, ivre de fortune, emportant ses diamants à Paris pendant que, dans un hôtel du Havre, le Brésilien mourait de fièvre ou de rage, avec des éclairs de diamants volés devant les yeux. Voilà ce qu'était devenue Alice Hervier, éblouissante, implacable, adorable, en 3 ans. Oui, certes, Rodion avait raison, c'était une autre femme. Il était bien devenu un autre homme, lui, combinant des projets, tirant des plans, inventant des affaires futures du fond de sa retraite forcée, dans l'ombre des promenades du préau et sous la veste grise de la maison. Mais jamais il n'avait oublié Alice. Toujours la pensée tournée vers la jolie fille dont il lui semblait respirer encore l'odeur irritante entre les quatre murs blanchis à la chaux. Il l'aimait et il la voulait. Il se disait qu'il la retrouverait avec le reste, les poignées de main et les coups de chapeau qu'on lui refuserait d'abord. Une fois sorti, il eut, quoique préparé à tout, des crève-cœurs féroces, des colères bilieuses. Des gens qui le reconnaissaient passaient d'un trottoir sur l'autre pour ne pas le voir en face. Entre ses dents, il murmurait « Patience !» Ses épaules larges étaient solides et dures les os bombés de son front. Tout d'un coup, avec la brusquerie stupéfiante des revanches parisiennes, ce paradoxe en action s'étala. Rodion redouté, Rodion accepté, Rodion salué, flatté, sollicité, Rodion faisant faire antichambre, Rodion donnant des ordres, subventionnant des journaux, fondant des banques, menant le marché, faisant capituler les intérêts et les consciences, et répondant au grand Schwartzheim qui lui demandait un jour, furieux, si ses bureaux étaient à Poissy. « Mon cher, j'ai sur vous un avantage, c'est que je suis libéré, moi. » Molina avait bien raison, on n'était pas dégoûté. La bourse appartenait à Rodion, il l'avait reprise. Il reprit aussi Alice Hervier. Puisqu'il était riche, autant lui qu'un autre. Avec lui, on avait même cet avantage qu'on pouvait se moquer de soi-même en disant « Étais-je sotte? Étions-nous jeunes? Te souviens-tu » Lui, dominé par la belle-fille, grisé par cette créature de 24 ans, blanche et ferme, prenait le parti de rire de ce qu'il appelait les drôleries de sa maîtresse. Elle s'était, depuis tantôt 5 ans maintenant, transformée et comme affinée. Déjà riche lorsque Rodion l'avait décidé à revenir à lui, elle s'était associée à la fortune de ce vaincu revenant en maître et aux piastres exotiques. Elle ajoutait les prodigalités du boursier parisien. Elle amassait avec le soin d'une usurière qui se cache et dépensait avec l'intelligence d'une comédienne qui veut être applaudie. Elle suivait le courant qui pousse les filles du monde d'autrefois à supplanter, en les imitant, les femmes du monde d'aujourd'hui. Elle rentrait dans le droit par la charité, présidait des œuvres de bienfaisance et dans sa propriété du cœur volant, qu'on appelait les cœurs volés, près de Marly, elle couronnait les rosières et dotait publiquement, leur faisant un speech du haut de l'estrade élevée dans son parc, des jeunes filles pauvres en leur prêchant l'honnêteté. Très belle, d'une distinction qui étonnait, lorsqu'à l'opéra, lorgnée par des marquises qui dépêchaient vers elle des ambassadeurs munis de pouvoirs mixtes afin d'obtenir le nom de sa couturière, l'ancienne petite vachère normande, demoiselle de magasin au gain petit, puis modiste rue de Richelieu, défrayait les gazettes boulevardières et promenait du haut des avant-scènes un regard froid tombant de ses yeux bleus sur les lorgnettes de nacre qui la fusillaient et les crânes chauves qui se tournaient vers elle. Pour ce Rodion qui le fait, de bonne foi, s'asphyxier autant jadis, comme une grisette hystérique, elle était maintenant implacable, jouant avec lui du bout des ongles et le traitant avec la hauteur d'une duchesse recevant un usurier de village. Elle le trompait gaiement, lui répondant d'un ton hautain quand il se plaignait. « Je vous ai assez aimé. De quoi vous plaignez-vous? Ce n'est pas moi qui vous ai quitté, n'est-ce pas? Quand vous êtes revenu, je ne vous aimais plus du tout. Ce n'est point ma faute. C'est à prendre ou à laisser. » Et lâchement, il capitulait, s'enfonçant chaque jour dans l'acceptation basse de caprices qui blessaient son amour-propre et lui crevaient le cœur. Elle lui disait, le rire insolent, « Remarquez, mon cher, que je ne prends jamais mes amis dans votre monde. J'aime les gens bien nés, et je déteste vos radicaux. » Cela pour Rodion, qui passait pour être actionnaire de journaux foncés, quoiqu'il soupât volontiers avec les ministres opportunistes. Ce dédain qu'avait la jolie fille pour les gens de son monde exaspérait Rodion, qui se taisait en disant qu'après tout, ces gens des clubs qui souriaient à Alice Hervier se contentaient en somme de sa desserte à lui, Rodion, tout laid, éberné qu'il fût. « Il ne faut pas qu'ils fassent tant les fiers, » murmurait l'échappé de Mazas. « Après tout, je leur paye leur plaisir. » Et il avait des satisfactions féroces d'hommes d'argent salis et d'aventuriers parvenus à se dire que lorsque la belle Alice donnait ses fêtes, c'était son vin à lui qu'il buvait en applaudissant au feu d'artifice qu'il faisait tirer le jour de la Saint-Henri, en l'honneur du roi. « Je te jure que tu me compromets, » lui disait-il parfois. « Ton illumination... » avec des lys entre les tilleuls, et surtout le bouquet avec la banderole au roi légitime. « Eh bien ?» demandait-elle, sa jolie bouche tordue ironiquement dans son beau visage de rousse. « eh bien, monsieur le préfet de police, oui, le préfet de police m'a fait des observations. Il y a eu des rapports adressés à la fois à Paris et à Versailles. Allons donc. » Il haussait les épaules. « Ils se moquent pas mal de moi, les préfets de votre république. Pourvu qu'ils touchent leurs appointements et qu'ils gagnent de l'avancement, le reste, adieu. Qu'ils surveillent donc les voleurs, ça vaudra mieux. Mais je suis bête. Ça vous ennuierait, ça, Rodion, s'ils les surveillaient trop ?» Il essayait de rire, trouvait la plaisanterie un peu forte. Mais il fallait bien, pour la garder, prendre Alice comme elle était, adorablement belle, spirituelle en diable, terrible au besoin, bonne fille au demeurant peut-être, on n'en savait rien. Pendant tout leur pas, Louis Ribert l'avait étudiée avec des yeux passionnés de peintre. Il retrouvait en elle Raymonde agrandie et solennisée. Les mêmes crespillons d'or flottaient sur le même front blanc, mais dans les yeux bleus d'Alice Hervier passaient parfois des lueurs étranges, quasi menaçantes, que n'avaient pas les yeux rieurs de Raymonde, et la bouche railleuse de la jeune femme ne gardait plus ce gai sourire de la 20e année de la mignonne bouchelette de la jeune fille. Alice rendait à Louis ses regards droits, comme si, se sentant étudiée par quelqu'un d'une autre pâte et d'un autre métier que Rodion ou Molina, elle l'eût défié. Elle lui parlait d'ailleurs volontiers, le trouvant drôle, quoiqu'il fût moins amusant qu'autrefois. Et là, pourtant, dans l'excitation de ce repas où il avait toute la liberté d'un dîner d'homme avec le charme inquiétant de la présence d'une jolie femme devant laquelle on peut tout dire, Louis se sentait ragaillardi et éperonné. Il était venu pour parler affaires d'argent. Oui, lui, Louis, c'était à mourir de rire. Guillemard y avait tenu, et Louis n'avait pas dit non. Il fallait bien, avec ses millions, faire quelque chose. Il s'agissait d'ailleurs d'une affaire importante. Le cousin Émile voulait associer Louis Ribert à son grand projet, car il avait décidément un grand projet, comme Henri IV. Le moment était venu, pour Guillemard, où il allait lancer sur le marché sa société d'alimentation générale. Gros morceau à faire avaler, 100 millions de capital. Par millions et par milliards, l'argent des foules avait été pompé et englouti depuis des années, et c'était à se demander s'il restait encore un louis d'or au fond des vieux bas de laine et un billet de 50 francs déchiré dans le tiroir des vieilles filles. Mais aussi, parbleu, toute loterie, tout jeu de hasard, tout ce qui fait devant les yeux des pauvres passer l'éblouissement de la richesse possible, arrache aux cachettes noires les sous entassés et les écus enfouis comme en des silos. Guillemard, d'ailleurs, allait tailler dans le grand, et toute la presse financière était pour lui. Il savait combien on peut drainer le public avec les annonces. Il connaissait la puissance de ces suçoirs de l'épargne. Ah, matin, on allait voir. C'était l'heure de son Austerlitz. Le banquier livrait décidément sa grande bataille. Il y avait avec lui toute la coulisse, la majorité des agents, la confiance de la foule qui ne le quittait jamais. C'est vrai, tout me réussit. Il songeait, en riant jaune, à Geneviève. Je ne suis malheureux qu'en amour. Guillemard s'était donc mis dans la tête d'atteler Ribert à sa fortune. C'était pour le peintre une occupation comme une autre. Peintre, fort peu peintre, maintenant. Louis avait comme le dégoût de sa palette et depuis des mois, il ne lui était pas arrivé de toucher un pinceau. Et à quoi bon, bonne Deus? L'été fini, l'automne venu, il était rentré à Paris, trouvant ridicule, étroit, parfaitement mesquin, son appartement de Montmartre. Et il avait loué, rue de Boulogne, en attendant son hôtel à lui, un petit hôtel avec un vaste atelier où il n'entrait jamais, laissant ses couleurs séchées et ses esquisses retournées contre le mur, toute salie de poussière. Très occupé d'ailleurs, faisant bâtir pour se distraire, avait dit d'abord Louis en riant, et à présent encore et toujours, pour s'occuper, pour tuer le temps, comme il le répétait et il le ressassait, pour donner à sa pensée un aliment, à son corps un prétexte d'action. Il allait rue Ampère, derrière l'avenue de Villiers, dans ce quartier né d'hier, improvisation de parvenus et de gens de goût, surveiller les maçons, causer avec son architecte, voir planter dans le carré qui serait son jardin des piquets qui seraient des arbres. Il semblait qu'il eût un plaisir violent à s'absorber jusqu'à l'hébétude, jusqu'à la migraine, dans des détails irritants ou mesquins. Il ressemblait à un homme qui harasserait son esprit pour lui donner le repos, Comme il eut fatigué ses muscles pour arriver au sommeil, il avait voulu faire lui-même le plan de son futur hôtel, un hall immense au premier, en bas une salle à manger avec window donnant sur le jardin, et derrière les arbres à venir, les écuries. Eh bien oui, des écuries. Louis entrait maintenant au Tattersall pour jeter son dévolu par avance sur les chevaux de son coupé. Tout cela lui paraissait très étonnant, tout à fait drôle, et quand il lui arrivait de réfléchir, très triste. Mais cette folie, ce mouvement, ce changement, toutes ces fièvres l'étourdissaient, et c'était si bon d'oublier. Bah, après tout, c'eût été trop naïf pourtant d'avoir des remords. Un mot bête, les remords. Est-ce que ça existe, les remords? Autrement que dans l'imagination des sots et des faibles. Peut-être Victor en avait-il des remords. Il était bien assez niais pour cela, Victor. Tant pis pour lui. Vive la vie. Et Louis, lui, voulait vivre. Et il vivait, en effet, d'une existence toute nouvelle, fouettée, éperonnée, activée, la vraie vie moderne, sans arrêt, sans repos, amusante comme un voyage en train rapide, où l'on ne voit rien du paysage et où l'on a 5 minutes pour dîner au buffet. Cela ne lui déplaisait pas, ce surchauffé, ce capiteux, ce montant, ce perpétuel mouvement qui émiettait ses journées, le poussait de son architecte à son cercle, il avait un cercle, du club au bois, du bois au théâtre, du théâtre au cercle, et le laissait, le soir ou le lendemain matin, effaré devant la nullité de sa journée et le vide de sa vie. Et quand il songeait que là-haut, rue Tourlac, il y avait dans son jardinet abandonné de si jolis effets de neige, fins comme des pages d'albums japonais, les branches grêles, toutes blanches, se détachant sur l'horizon gris, d'un gris de soie. Il eût été heureux autrefois, en regardant cela trembloter dans la fumée de sa pipe. C'était le mot d'Alice Hervier. Était-il bête, en ce temps-là? Très bête, oui, absolument bête. Tout à l'heure, il se l'était répété encore, dans cette salle gothique du cabaret du Chapon Fin, tout en mangeant un chaud-froid de caille pendant qu'Alice Hervier le regardait et que Salomon Molina racontait, avec son accent de Marseille, la dernière affaire du grand Schwarzheim avec ses houillères d'Irlande. Mon cher, des houillères qu'il achète 200 000 francs. Bon, il les met en valeur, émission nette, 25 millions. De 200 000 francs à 25 millions, un joli écart, hein? Aussi, patatras. Un beau jour, paf, sur 500 francs que vaut l'action, on en perd 475. Eh bien, Rodillon, ça me révolte. Quand on a dans ses bottes le foin qui a Schwarzheim, quand on a 60 000 à soi, faire ça, c'est mesquin. Que toi, que moi, et Molina le tombeur riait bravement d'un bon rire, nous fassions ça, et c'est encore possible, mais lui, Schwarzheim, de quoi a-t-il besoin? De considération? L'affaire des houillères, c'est de la bêtise. Rodillon avait fait la grimace quand Molina s'était adressé à lui, peut-être naïf, peut-être gouailleur, et Louis venait de surprendre un furtif sourire sur les lèvres rouges d'Alice Hervier. Molina s'amusait d'ailleurs à faire la chronique de la bourse, comme il le fait celle de l'opéra, et du ton dont il lui expliquait le scénario du prochain ballet où Marie-Launay, sa protégée, devait danser un pas de deux avec la jolie Possius Mori, comme il disait en riant, sans savoir du reste un mot du latin qu'il répétait. Il comptait des traits d'un grand malin, Courtillier, le marchand de blé qui, lorsqu'il jouait à la baisse, apportait en bourse de misérables épis de blé nouveaux, petits, effrayants, à demi pourris, et disait, hochant la tête, « La récolte sera pitoyable. » Et tandis que, lorsqu'il était à la hausse, il arrivait les poches pleines d'un beau blé, bien choisi dans les plus magnifiques épis d'une année précédente, et le montrant répétait « On mangera du pain blanc cet hiver !» Un malin, le vieux Courtillier. Et Molina, qui intéressait fort Ibert avec ses ruses de guerre de l'agio, contrefaisait Courtillier faisant sauter les grains de blé lourds dans ses doigts gros comme des boudins. Drôle d'homme, ce Molina. Salomon Molina, le tombeur des tombeurs, le gros Molina, gras, solide, plus jeune qu'un jeune homme avec ses 60 ans et ses cheveux blancs. Pas une dent de moins, pas un appétit émoussé, aussi robuste qu'autrefois quand il était marchand d'habits sur la Canebière et vendait de vieux tricots aux ouvriers du port, aux Maltais et aux Italiens. Sa franchise brutale ne déplaisait pas à Louis Ribert, qui l'observait, et trouvait que le rire et la gaieté de cet homme sonnaient précisément comme un gros sac d'écus qu'on eût remué à tour de bras. Guillemard, qui semblait distrait pendant que Salomon parlait des houillères de Schwartzheim, les yeux sur la nappe, songeant, prit tout à coup la parole, coupant la conversation brusquement et dit « Voyons, parlons un peu de nos affaires maintenant. » Il était ému, certainement, le teint monté en couleur, ses favoris roux ressemblant à la flamme de son visage allumé, d'ailleurs maître de lui-même, souriant et confiant. Et il exposa son plan. Une idée superbe, insensée en apparence, mais bien moderne, pratique, intéressant tout le monde. Je veux, ou plutôt nous voulons, Molina et moi, centraliser l'alimentation, toute l'alimentation de Paris, comme on a centralisé l'habillement, l'ameublement, les étoffes, la parfumerie, tout ce qui s'entasse dans les grands magasins du Louvre ou du Bon Marché. Ça écrase le commerce, ces docks gigantesques, et ça tue toutes les boutiques de Paris et des environs. Les petits marchands crèvent. C'est le duel de la baleine et des goujons, soit, mais c'est le mouvement, c'est la vie d'aujourd'hui. C'est grand, c'est vaste, c'est américain. Ah, nous en verrons bien d'autres. D'abord, nous verrons ce que je veux fonder, les docks de l'alimentation publique, comprends-tu ? Va, dit Rodion, froidement. Guillemard s'exaltait. Mon affaire ? Ce n'est plus la banque de crédit universel, c'est mieux que ça. Quelque chose de plus palpable. C'est la Société Générale d'Alimentation Publique. J'avais songé à mettre Société Centrale. Non, Générale vaut mieux. C'est plus sonnant, c'est à la mode, comme les panoramas. Société Générale d'Alimentation. Tout ce qui se mange, tout ce que Paris dévore, et il en avale le monstre, c'est effrayant. Les calculs sont faits. Tout ce qu'il engloutit donc, entassé dans un établissement immense, quelque chose de gigantesque. D'abord, nous achetons toutes les boucheries. Tu souris, tu verras. Toutes les boulangeries, toutes les épiceries. Les plus fameuses deviennent nos succursales. Nous livrerons partout, dans un rayon de 15 lieues. Nous engloberons Versailles, nous irons jusqu'à Melun, jusqu'à Fontainebleau, un réseau immense. La fruiterie nous échappe en partie à cause du carreau des Halles. Nous aviserons. Nous aurons des traités passés avec des pêcheries spéciales. On laisse pourrir pour des millions de poissons qui nous arriveront droit et qui appartiendront à la Société Générale d'Alimentation. Pratiquement, nous commençons par l'achat de tous les débits de détail. Je mets le grappin dessus. Mais on ne s'arrêtera pas là. Nous multiplierons les marchés appartenant à la société. Nous en couvrirons Paris s'il le faut. Le service des particuliers sera facilité par un traité spécial passé par nous avec la Société des téléphones, qui, à nos frais, placera des téléphones à tous les étages. Ça te semble fou, peut-être ? Non, non. C'est facile comme de boire ce verre de chartreuse. Le capital de 100 millions sera à peine suffisant pour les débuts. Il devrait être augmenté, quintuplé, peut-être décuplé, est-ce que je sais. Mais l'affaire existe, elle est pratique, elle est vivante. Ce n'est pas du sentiment, ça, c'est de la vérité. Ça prend les gens aux tripes, non au cœur. La viande et le pain, ce n'est pas basé sur les brouillards de la Tamise, Société Générale d'Alimentation. Le Bon Marché, de ce qu'on se met sous la dent à la portée de tous. Une association mutuelle des estomacs. Les docks de la Mangeaille pour faire pendant aux docks de la Fanfreluche et de la Mode. C'est net, c'est clair, ça saute aux yeux, ça vous prend là. Et Guillemard, en riant, frappait son torse large. La moustifaille, continuait Guillemard, a toujours été une bonne affaire. Tout ce qui se mange se vend. Nous centralisons la nutrition et pas de danger qu'on fasse un maximum sur les vivres. Au contraire, diminution pour tout le monde, c'est philanthropique même. Et si tu crois que on va l'oublier, le mot dans la réclame à faire, philanthropie, économie, socialisme pratique, vie à bon marché, tout, tout à bon marché. Et les cuisinières qui pourraient s'insurger au besoin auront leur 10%. Et tu verras un monde, tu entends un monde se ruer sur les actions de notre société comme une meute de gueux affamés à la table de Gargantua. Jamais on n'aura vu ça, jamais. Ce sont les intérêts de tous, pris, je te le répète, par leurs entrailles. C'est enfantin, c'est clair et stupéfiant, c'est magnifique. Magnifique, criait Molina. Eh bien, dit Guillemard, rouge, gai, illuminé, rayonnant comme une façade de maison de banque un jour d'émission heureuse. Eh bien, Rodion, qu'en dis-tu ?